Bonjour, bienvenue sur La Rage 99.1. Nous sommes au wagon pour vous parler de l'actualité culturelle sur ce territoire. Eh bien, demain soir, nous accueillons un spectacle de théâtre aux armes Marguerite avec Véronique Chabarot qui met en scène les femmes pendant la guerre 14. Un très beau spectacle, une très belle mise en scène à ne pas louper. C'est vraiment époustouflant, donc n'hésitez pas, vous pouvez encore venir, il reste des places. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Mathias du groupe Coro des Axac, qui eux viendront le 28 mai au wagon à Saint-Bran. Donc on va passer un petit moment ensemble. Eh bien, Coro des Axac, peut-être je le prononce mal, ouais. Et Mathias va me corriger et nous expliquer qu'est-ce que cela signifie. Tout à fait, bonjour à tous. Alors c'est Choro des Axac, exactement. Voilà. Alors les choros, ce sont des musiques brésiliennes, musiques du nord-est du Brésil, hein. Pas confondre avec les musiques samba ou bossa, voilà, c'est pas du tout les mêmes territoires et les mêmes musiques. Donc choro, c'est des musiques brésiliennes. Choro ça signifie pleurs en portugais. Voilà, ce sont des musiques traditionnelles qui jouent beaucoup dans les bars, restaurants, voilà, qui jouent un peu à brûle-pourpoint comme ça. Les musiciens prennent les instruments et jouent à la fin du repas. Et axax, c'est un terme qui caractérise les musiques des Balkans. Donc ça signifie boiteux en turc et ça caractérise les rythmiques asymétriques des musiques des Balkans pour les gens qui connaissent un peu la musique. Voilà, on a un espèce de sentiment de quelque chose d'assez dansant mais un peu boiteux en même temps. Voilà, ça caractérise ces musiques là. Eh bien, vous voyez, avec ce trio, nous allons voyager et Mathias va nous présenter un petit peu les autres musiciens et le trio. À l'accordéon, il y a Florence Epcha. Ensuite, il y a Gilles Choprade aux percussions. Donc, il a tout un petit set de percussions diverses et variées. Tom, Caron, voilà, plus plein de petits accessoires. Et donc, moi, je fais du saxophone soprano et saxophone alto. Voilà. Et comment vous vous êtes rencontrés ? Alors, on s'est rencontrés, on se connaissait déjà depuis un moment. On faisait de la musique au sein du collectif de musiciens La Saugrenue, au sein duquel on travaille. On avait un petit peu envie de, surtout l'accordoniste Florent, avait envie d'explorer un peu ces musiques-là, les musiques du nord-est du Brésil. Et moi, j'étais aussi, moi, je suis d'origine serbe, mon papa est serbe, donc j'avais envie aussi d'étudier, faire en tout cas d'approfondir un peu ces musiques des Balkans. Puis on a décidé de faire une espèce de parallèle, pas forcément un mélange des styles, mais une espèce de parallèle entre ces deux musiques là voilà. Et donc ça, c'était parti pour ce trio Choro des Axac. Alors comment est-ce que vous composez cette musique entre la tradition et le côté moderne? Alors on garde le côté traditionnel dans au niveau des mélodies, vraiment les partitions qui sont assez respectées. Le côté moderne est un peu plus amené avec l'utilisation des instruments qui sont pas forcément qui est pas fait forcément de manière traditionnelle justement. Par exemple un instrument comme le caron qui est pas forcément un instrument traditionnel du choro qui peut être intégré, ou dans les Balkans aussi une utilisation différente par exemple du saxophone qui va tenir un rôle de basse sur un morceau. Voilà, c'est plutôt dans l'utilisation des instruments et aussi dans les arrangements des morceaux. Il y a quelquefois des influences un peu plus jazz dans les arrangements, des petites mises en place rythmiques, voilà, des choses un peu plus pointues qui rappellent plus peut-être le côté occidental de la musique, voilà, plus occidental, jazz, voilà. Alors vous avez dit tout à l'heure que vous apparteniez au collectif La Saugrenue. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots de ce collectif ? Oui, tout à fait. Alors, on est basé à Tournord, à Maitré exactement. C'est sur le site du 37e parallèle. C'est un lieu qui a vu le jour il y a un an et demi à peu près. Donc au sein du collectif de La Saugrenue, il y a 6 formations. Le grand principe du collectif, c'est un peu le détournement des musiques, voilà, que ce soit les musiques de rue avec la fanfare de La Saugrenue, les musiques bal par exemple avec le baluche de La Saugrenue ou le balophonique qui réinterprète un peu le bal des années 30. On a aussi un spectacle humoristique avec Megamix autour des musiques de danse, voilà, Igranka qui revisite les musiques des Balkans avec des influences jazz, groove. Voilà, donc plusieurs formations au sein de ce collectif. Il y en a aussi la fanfare de La Saugrenue, fanfare de rue. Voilà. Très bien. Eh bien, on peut aussi parler peut-être des dates à venir. Donc, je reprécise que le samedi 28 mai, c'est au wagon à Saint-Bran à 20h30. Donc, vous pouvez dès aujourd'hui réserver. Et peut-être, Mathias, avez-vous d'autres dates à proposer ? Alors, dans ce qui va venir plus prochainement, il y aura le 5 juin à Saint-Jean-de-Bray, à côté d'Orléans, et le 11 juin à Chailles. Voilà, ça sera les dates les plus proches au niveau agenda et au niveau géographique. Voilà, c'est ce qui aura le plus près. Voilà. Eh bien, je reprécise aussi que demain soir, hein, aux armes Marguerite, à 20h30, aussi au wagon. Et puis d'autres actualités, au mois de juin, pour les 10 ans de la bibliothèque de Saint-Bran, hein, nous accueillons un écrivain, Adrian Matthews, qui sera au wagon à 19h pour parler de ses romans. Et également, il y aura pour clôturer la soirée le groupe de Vénier qui viendra nous présenter ses musiques du monde, d'ailleurs accompagné par Mathias. Exactement. Voilà. Le hasard fait bien les choses, le monde de la musique est petit. Voilà, ça sera un atelier musique du monde. Voilà, comme j'enseigne aussi, et que même avec le trio Choro de AXA, qu'on fait toujours des passerelles et on intervient au sein des écoles de musique. Il y a pas mal de projets pédagogiques. Voilà, donc on interviendra avec ce petit ensemble Musique du Monde de Vénier. Voilà. Eh bien, écoutez, merci. Merci beaucoup, Anne-Marie. Merci. Et puis, c'est un plaisir de vous accueillir prochainement au wagon. À bientôt. À bientôt, au revoir.